Chapitre 4. Métamorphose et démence. Au cours de la semaine qui suivit ce mémorable Vendredi Saint, on vit Charles Ward plus souvent que de coutume, car il ne cessa de transporter des livres de la bibliothèque à la mansarde. Il avait un comportement calme et raisonnable, mais son visage exprimait une appréhension mal dissimulée. En outre, il faisait preuve d'un appétit dévorant, si on en jugeait par la quantité de nourriture qu'il exigeait de la cuisinière. Une fois mis au courant de ce qui s'était passé, le docteur Willett vint s'entretenir avec le jeune homme le mardi suivant dans la bibliothèque. Comme toujours, la conversation ne donna aucun résultat, mais Willett était prêt à jurer que Charles jouissait de toute sa raison. Il promit de faire bientôt une révélation sensationnelle et exprima l'intention de chercher un autre local pour y installer son laboratoire. Il se montra fort peu touché par la perte du portrait et parut même trouver un élément comique dans sa brusque disparition. Pendant la deuxième semaine, Charles s'absenta souvent du logis. Le jour où la vieille Anna vint aider à faire le grand nettoyage de printemps, elle raconta qu'il visitait souvent la maison d'Olney Court, muni d'une grande valise, et s'en allait explorer la cave. Il se montrait très généreux à l'égard d'elle-même et de son mari, mais il semblait extrêmement tourmenté. Par ailleurs, les amis des Ward le virent de loin à Pawtuxet un nombre de fois surprenant. Il fréquentait plus particulièrement le petit port de Rhodes sur Pawtuxet, et le docteur Willett, après avoir fait une enquête en ce lieu, apprit qu'il ne manquait jamais de gagner la rive assez encaissée pour l'allonger ensuite en direction du nord. Par un matin de mai, il y eut, dans la mansarde, une reprise de la conversation imaginaire du Vendredi Saint. Le jeune homme semblait poursuivre une discussion violente avec lui-même, car on entendit brusquement une série de cris qui ressemblaient à des demandes et des refus alternés. Mrs. Ward monta en courant, écouta à la porte, et entendit le fragment de phrase suivant « Il faut qu'il reste rouge pendant 3 mois ». Dès qu'elle eut frappé, le silence régna aussitôt. Lorsque Mr. Ward interrogea son fils un peu plus tard, le jeune homme répondit qu'il lui était difficile d'éviter certains conflits entre des sphères de conscience, mais qu'il essaierait de les transférer dans d'autres domaines. Vers le milieu de juin se produisit un curieux incident nocturne. Au début de la soirée, on entendit du bruit dans le laboratoire, mais il s'apaisa presque immédiatement. À minuit, quand tout le monde fut allé se coucher, le maître d'hôtel était en train de fermer à clé la porte de la rue lorsqu'il vit apparaître au bas de l'escalier Charles Ward portant une lourde valise. Le jeune homme fit signe qu'il voulait sortir. Il ne prononça pas un seul mot, mais le digne serviteur, ayant vu ses yeux enfiévrés, se mit à trembler sans savoir pourquoi. Il ouvrit la porte à son jeune maître. Le lendemain, il donna son congé à Mrs. Ward en déclarant qu'il y avait eu une expression de férocité diabolique dans le regard de Charles et qu'il ne passerait pas une autre nuit dans la maison. Mrs. Ward le laissa partir sans ajouter foi à ses paroles. Il lui paraissait impossible que son fils ait pu avoir l'air féroce cette nuit-là. En effet, pendant tout le temps qu'elle était restée éveillée, elle avait entendu de faibles bruits émaner du laboratoire, des sanglots et des soupirs qui semblaient révéler un désespoir profond. Le lendemain soir, comme il l'avait fait environ 3 mois auparavant, Charles Ward s'empara du journal avant tout le monde et en égara une feuille. Par la suite, le docteur Willett, au cours de son enquête, se rappela cet incident et se rendit au bureau du journal. Là, il put relever, sur la feuille égarée, 2 articles qui lui semblèrent intéressants. Les voici. Violation de sépulture. Robert Hart, veilleur de nuit au cimetière du Nord, a découvert ce matin que la tombe d'Ezra Whedon, né en 1740 et mort en 1824, d'après l'inscription sur sa stèle sauvagement arrachée du sol et brisée, avait été violée. Son contenu, quel qu'il ait pu être après plus d'un siècle d'ensevelissement, avait complètement disparu, à l'exception de quelques éclats de bois pourri. On n'a pas relevé de traces de roues, mais la police a trouvé dans les parages des empreintes de pas faites par des souliers fins. Hart est enclin à établir un rapport entre cet incident et celui du mois de mars. À cette époque, on s'en souvient, il avait découvert un groupe d'hommes qui avaient pris la fuite en camion après avoir creusé une excavation profonde. Mais l'inspecteur Riley combat cette théorie et souligne de grandes différences dans les deux cas. En mars, on avait creusé un endroit où il n'existait pas de tombe. Cette fois-ci, une tombe déterminée a été violée avec une méchanceté féroce. Des membres de la famille Whedon, après avoir été mis au courant, ont exprimé une surprise attristée et ont déclaré ne se connaître aucun ennemi capable d'un pareil acte de vandalisme. Hazard Whedon se rappelle une légende familiale, d'après laquelle son ancêtre aurait été mêlé à une étrange affaire peu de temps avant la Révolution, mais il ignore l'existence d'une vendetta possible à l'heure actuelle. L'affaire a été confiée à l'inspecteur Cunningham, qui espère découvrir des indices précieux dans un proche avenir. Nuit agitée à Pawtuxet. Les habitants de Pawtuxet ont été réveillés à 3 heures du matin par un formidable concert d'aboiements de chiens qui semblait atteindre son maximum d'intensité près de la rivière au nord de Rhodes sur Pawtuxet. Fred Lemlin, veilleur de nuit de Rhodes, a déclaré qu'aux aboiements des chiens se mêlaient les cris d'un homme en proie à une terreur mortelle. Un bref et violent orage a mis fin à ce tumulte. On rapporte que des odeurs désagréables, émanant sans doute des réservoirs de pétrole, ont empuanti l'atmosphère pendant toute la durée de l'incident. Bientôt, Charles prit l'aspect d'un homme traqué, et tout le monde pense aujourd'hui, en y réfléchissant, qu'il souhaitait peut-être à cette époque faire une confession, mais qu'une terreur panique l'en empêchait. Comme il sortait très souvent, à la faveur de l'obscurité, la plupart des aliénistes le rendent responsable des actes de vampirisme odieux qui furent perpétrés en ce temps-là et que la presse rapporte avec force détails. Les victimes de tous âges et de toutes conditions furent attaquées dans deux localités distinctes, le quartier du North End, près de la maison des Ward, et les districts suburbains proches de Pawtuxet. Ceux qui survécurent ont raconté qu'ils subirent l'assaut d'un monstre bondissant aux yeux de braise qui enfonçait ses crocs dans la gorge ou le haut du bras et se gorgeait de sang. Ici encore, le docteur Willett n'est pas d'accord avec ses confrères. « Je me refuse à dire, déclare-t-il, quel être humain ou quel animal a pu se livrer à de pareilles abominations. Mais j'affirme que Charles Ward n'en est point l'auteur. J'ai des raisons de penser qu'il ignorait le goût du sang, et son anémie croissante constitue la meilleure preuve à l'appui de ma théorie. Ward a touché à des choses terribles, mais il n'a jamais été un monstre. » Le docteur parle avec beaucoup d'autorité, car à cette époque, il se rendait souvent chez les Ward pour soigner la mère de Charles, dont les nerfs avaient commencé à céder. À force d'écouter les bruits nocturnes émanant de la mansarde, elle souffrait d'hallucinations morbides qu'elle hésitait à confier au médecin. Elle s'imaginait entendre des soupirs et des sanglots étouffés aux heures les plus impossibles. Au début de juillet, Willett l'envoya à Atlantic City pour y reprendre des forces. Elle recommanda à Mr. Ward et à son fils de ne lui envoyer que des lettres réconfortantes. Peu de temps après le départ de sa mère, Charles Ward entreprit les démarches pour l'achat du bungalow de Pawtuxet. C'était un petit édifice de bois sordide, avec un garage en ciment, perché très haut sur la berge maigrement peuplée de la rivière, un peu au-dessus de Rhodes, mais le jeune homme tenait absolument à l'acquérir. Le propriétaire finit par le lui céder à contre-cœur pour un prix exorbitant. Aussitôt, il l'y fit transporter, de nuit, dans un gros camion fermé. Tous les livres et les appareils de la mansarde, et abandonnant définitivement le laboratoire, il emménageait de nouveau dans sa chambre au 3e étage de la maison paternelle. Dans son nouveau domicile, Charles se comporta de façon aussi mystérieuse qu'il l'avait fait dans sa mansarde. Néanmoins, il avait deux compagnons, un métis portugais à l'air sinistre qui servait de domestique, et un inconnu au corps mince, à la barbe drue, aux yeux cachés par des lunettes noires, qui, de toute évidence, devait travailler avec Ward. Les voisins essayèrent vainement d'entrer en conversation avec ces étranges individus. Le métis Gomez ne connaissait que quelques mots d'anglais, et l'homme qui se faisait appeler docteur Allen se montrait fort réservé. Charles essaya d'être plus affable, mais il ne réussit qu'à provoquer une curiosité méfiante en tenant des propos décousus sur ses travaux de chimie. Bientôt, d'étranges rumeurs coururent au sujet de lumières qui brûlaient toute la nuit. Puis on s'étonna des commandes excessives de viande chez le boucher, ainsi que des cris et des chants psalmodiés qui semblaient provenir d'une cave très profonde. L'honnête bourgeoisie de l'endroit manifesta une répugnance marquée à l'égard de cette étrange maisonnée, d'autant plus que l'installation des trois hommes avait coïncidé avec l'épidémie de vampirisme dans les parages de Pawtuxet. Ward passait la majeure partie de son temps au bungalow, mais il dormait parfois dans la maison de son père. À deux reprises, il quitta la ville pour des voyages d'une semaine, dont la destination reste inconnue. Il ne cessait de maigrir et de pâlir, et il n'avait plus son assurance d'autrefois, quand il répétait au docteur Willett sa vieille histoire de recherche vitale et de révélation future. Néanmoins, le praticien insiste sur le fait que le jeune homme était encore sain d'esprit à cette époque, et il cite plusieurs conversations à l'appui de ses dires. Vers le mois de septembre, les actes de vampirisme devinrent moins fréquents, mais en janvier, Ward se trouva compromis dans une grave affaire. Depuis quelque temps, on parlait beaucoup des camions qui arrivaient au bungalow et en repartaient au cours de la nuit. Or, dans un lieu solitaire près de Hope Valley, des bandits qui se livraient à la contrebande de l'alcool arrêtèrent l'un des véhicules dans l'espoir d'y trouver de quoi alimenter leur trafic clandestin. En l'occurrence, ils furent terriblement déçus, car les longues caisses dont ils s'emparèrent renfermaient un contenu horrible, si horrible en vérité qu'on en parla longtemps dans le monde de la pègre. Les voleurs s'étaient dépêchés d'enterrer leurs trouvailles, mais lorsque la police d'État eut vent de l'affaire, elle procéda à une enquête minutieuse. Un vagabond récemment arrêté consentit, en échange de sa liberté, à guider une troupe de policiers jusqu'à la cachette improvisée. On y découvrit une chose monstrueuse qui doit rester ignorée du public, et plusieurs télégrammes furent aussitôt expédiés à Washington. Lesquels s'étaient adressés à Charles Ward à son bungalow de Pawtuxet, et les autorités fédérales vinrent lui rendre visite. Il leur donna une explication qui paraissait valable et démontrait son innocence. Ayant eu besoin de certains spécimens anatomiques pour poursuivre ses recherches, il en avait commandé un certain nombre à des agences qu'il considérait comme parfaitement honorables. Il avait tout ignoré de l'identité de ces spécimens et se montra profondément bouleversé par les révélations des inspecteurs. Sa déclaration fut corroborée par le docteur Allen, dont la voix calme et grave parut encore plus convaincante que celle de Charles. Finalement, les policiers ne prirent aucune mesure contre le jeune homme. Ils se contentèrent de noter soigneusement le nom et l'adresse de l'agent de New York qui devait servir de base à leur enquête. Il convient d'ajouter que les spécimens furent déposés en secret aux endroits qu'ils n'auraient jamais dû quitter. Le 9 février 1928, le docteur Willett reçut une lettre de Charles Ward à laquelle il attache une importance extraordinaire et qui a été un sujet de fréquentes discussions entre lui-même et le docteur Lyman. Ce dernier y voit la preuve manifeste d'un cas très avancé de démentia praecox. Willett, par contre, la considère comme le dernier message parfaitement raisonnable du jeune homme. En voici le texte complet. 100 Prospect Street, Providence, R.I., 8 mars 1928. Cher docteur Willett, je sens que le moment est enfin venu de vous faire les révélations que je vous promets depuis si longtemps et que vous avez si fréquemment sollicité de moi. La patience dont vous avez fait preuve, votre confiance en l'intégrité de ma raison, sont choses que je ne cesserai jamais d'apprécier. Maintenant que je suis prêt à parler, je dois reconnaître ma honte que je n'obtiendrai jamais le triomphe que j'escomptais. À la place du triomphe, j'ai trouvé la terreur. Ma conversation avec vous ne sera pas une vantardise, mais un appel au secours. Je vous demanderai conseil pour me sauver et pour sauver le monde entier d'une horreur qui dépasse la conception humaine. Vous vous rappelez l'attaque de la ferme de Kerwen relatée dans les lettres de Luke Fanner. Il faut la renouveler et sans tarder. De nous dépendent toute la civilisation, toutes les lois naturelles, peut-être même le destin de l'univers entier. J'ai mis au jour une monstrueuse anomalie pour l'amour de la science. À présent, pour l'amour de la vie et de la nature, vous devez m'aider à la rejeter dans les ténèbres. J'ai quitté pour toujours le bungalow de Pawtuxet, et nous devons en extirper tous ceux qui s'y trouvent, vivants ou morts. Je n'y reviendrai jamais, et si vous entendez dire un jour que j'y suis, je vous demande de ne pas le croire. Je suis rentré chez moi pour de bon, et je voudrais que vous veniez me rendre visite dès que vous trouverez 5 ou 6 heures pour m'entendre. Il faudra bien tout ce temps, et croyez-moi, jamais vous n'aurez eu devoir professionnel plus important. Ma vie et ma raison sont en cause. Je n'ose pas parler à mon père car il ne comprendrait pas toute l'affaire. mais je lui ai dit que j'étais en danger, et il a fait garder la maison par 4 policiers. Je ne sais trop ce qu'ils pourront faire, car ils ont contre eux des forces que vous-même ne sauriez envisager. Venez donc sans retard si vous voulez me voir encore en vie et apprendre comment m'aider à sauver le cosmos. Venez à n'importe quelle heure. Je ne sortirai pas de la maison. Ne téléphonez pas pour vous annoncer, car nul ne saurait dire qui pourrait intercepter votre appel. Et prions les dieux que rien ne puisse empêcher notre rencontre. Charles Dexter Ward. P.S. Abattez le docteur Allen à première vue et faites dissoudre son corps dans un acide. Ne le brûlez pas. Ayant reçu cette lettre vers 10h30 du matin, le docteur Willett prit ses dispositions pour être libre en fin d'après-midi et pendant la soirée. Il était d'ailleurs tout prêt à laisser l'entretien se prolonger jusqu'au cœur de la nuit. Il connaissait trop bien les particularités de Charles pour voir dans ce message le délire d'un dément. Il avait la conviction qu'il s'agissait d'une chose horrible, et le post-scriptum lui-même pouvait se comprendre si l'on tenait compte des rumeurs qui couraient le village de Pawtuxet au sujet de l'énigmatique docteur Allen. Willett ne l'avait jamais vu, mais il avait entendu parler de son aspect et il se demandait ce que pouvaient cacher les lunettes noires. À 4 heures précises, le médecin se présenta à la maison des Ward. Il fut très contrarié d'apprendre de la bouche des policiers de garde que le jeune homme avait quitté le logis. Dans la matinée, il avait eu une longue conversation téléphonique avec un inconnu. On l'avait entendu discuter d'une voix craintive et prononcer des phrases telles que « Je suis très fatigué et dois prendre un peu de repos. Je ne peux recevoir personne d'ici quelques jours. Je vous prie de remettre à plus tard une action décisive jusqu'à ce que nous ayons sur pied un compromis. Ou encore, je suis désolé, mais il faut que j'abandonne tout pour l'instant. Je vous parlerai plus tard. » Ensuite, il avait dû reprendre courage en réfléchissant, car il était sorti à l'insu de tout le monde. On l'avait vu revenir vers 1 heure de l'après-midi, et il était entré dans la maison sans souffler mot. Il avait monté l'escalier, puis à ce moment, il avait dû céder de nouveau à la peur, car il avait poussé un cri d'épouvante en pénétrant dans la bibliothèque. Pourtant, lorsque le maître d'hôtel était allé s'enquérir de ce qui se passait, Charles s'était montré sur le seuil, l'air très hardi, en faisant signe au domestique de se retirer. Ensuite, il avait dû effectuer des rangements dans la pièce, car on avait entendu des bruits sourds et des grincements. Enfin, il s'était montré de nouveau et avait quitté la maison immédiatement, sans laisser de message pour quiconque. Le maître d'hôtel, qui semblait fort troublé par l'aspect et le comportement de Charles, demanda s'il y avait quelque espoir de le voir retrouver son équilibre nerveux. Pendant près de 2 heures, le docteur Willett attendit vainement dans la bibliothèque, contemplant les rayonnages où s'ouvraient de grands vides aux endroits où on avait enlevé des livres. Au bout d'un certain temps, les ombres commencèrent à s'amasser. Le crépuscule fit place au début de la nuit. Quand Mr. Ward arriva enfin, il manifesta beaucoup de surprise et de colère en apprenant ce qui s'était passé. Il ignorait que Charles avait donné rendez-vous à Willett et promis à ce dernier de l'avertir dès le retour du jeune homme. En reconduisant le médecin, il se déclara fort perplexe au sujet de l'état de son fils et pria le visiteur de faire tout son possible pour lui. Willett fut heureux de fuir cette bibliothèque qui semblait hantée par quelque chose d'effroyable. On aurait dit que le portrait disparu avait laissé dans la pièce un héritage maléfique. Le lendemain matin, Willett reçut un message dans lequel Mr. Ward lui faisait savoir que son fils était toujours absent. Il lui apprenait aussi qu'il avait reçu un coup de téléphone du docteur Allen l'informant que Charles restera à Pawtuxet pendant un certain temps et qu'il ne fallait pas le déranger. Ceci était nécessaire, car Allen lui-même devait s'absenter pour une période indéterminée, laissant tout le soin des recherches à son jeune collègue. Ce dernier envoyait ses affections à son père et s'excusait de son départ précipité. En recevant cette communication téléphonique, Mr. Ward, qui entendait la voix du docteur Allen pour la première fois, eut l'impression qu'elle lui rappelait un souvenir très vague et très désagréable. En présence de ces faits déconcertants, Willett ne sut vraiment plus quoi faire. Charles Ward lui avait écrit qu'il avait découvert des choses monstrueuses, que le docteur Allen devait être abattu sans pitié, et que lui-même ne reviendrait jamais à Pawtuxet. À présent, il semblait avoir oublié tout cela, et s'était replongé au cœur du mystère. Le bon sens poussait le médecin à abandonner le jeune homme à ses caprices, mais un instinct profond ne lui permettait pas d'oublier la lettre désespérée qu'il avait reçue. Il la relut, et malgré son emphase, malgré la contradiction entre son contenu et la conduite récente de son auteur, il ne la jugea pas vide de sens. Elle exprimait une terreur si réelle, elle évoquait des monstruosités si effroyables qu'on ne pouvait la prendre à la légère. Pendant plus d'une semaine, le docteur Willett réfléchit au dilemme qui lui était imposé, et il se sentit de plus en plus enclin à aller rendre visite à Charles dans son bungalow de Pawtuxet. Aucun ami du jeune homme ne s'était jamais aventuré à forcer l'entrée de cette retraite interdite, et son père lui-même ne la connaissait que par les descriptions qui lui avaient été faites. Mais Willett sentait la nécessité d'avoir une conversation directe avec son malade. Mr. Ward ne recevait plus de Charles que de courtes lettres dactylographiées. Mrs. Ward, à l'Atlantic City, n'était pas plus favorisée. En conséquence, le médecin résolut d'agir. Malgré l'étrange appréhension que lui inspiraient les vieilles légendes au sujet de Joseph Kerwin et les allusions mystérieuses de Charles, il se mit en route pour le bungalow perché sur la berge abrupte de la rivière. Willett avait souvent visité l'endroit par pure curiosité, bien qu'il ne fût jamais entré dans la maison et n'eût jamais manifesté sa présence. Il connaissait donc exactement la route à suivre. Tout en roulant le long de Broad Street dans sa petite automobile, par un après-midi de la fin février, il songeait au groupe d'hommes qui avaient suivi ce même chemin 157 ans auparavant pour exécuter une terrible mission. Il arriva bientôt à Pawtuxet, tourna à droite dans Lockwood Street, parcourut cette voie rurale aussi loin qu'il le put, puis mit pied à terre et marcha vers le nord en direction de la hauteur qui dominait les belles courbes de la rivière. Les maisons étaient peu nombreuses à cet endroit, et on ne pouvait manquer de voir le bungalow isolé avec son garage en ciment. Parvenu à l'extrémité d'une allée mal entretenue, le médecin frappa à la porte et parla d'une voix ferme au métis portugais qui entr'ouvrit à peine le battant. Il demanda à voir Charles Ward pour une affaire d'une importance vitale et ajouta que si on lui refusait l'entrée de la maison, il ferait un rapport complet au père du jeune homme. Le métis pesait toujours contre le battant, ne sachant trop s'il devait l'ouvrir ou le fermer, lorsqu'une voix, provenant de l'intérieur, prononça les paroles suivantes « Laisse-le entrer, Tony. Il vaut mieux que nous ayons un entretien tout de suite. » Cette voix très basse, caverneuse, enrouée, glaça de terreur le médecin sans qu'il sût pourquoi. Mais sa frayeur devint encore plus grande quand il vit paraître celui qui venait de parler, car c'était Charles Dexter Ward. La minutie avec laquelle le docteur Willett a consigné par écrit sa conversation de cet après-midi est due à l'importance qu'il prête à cette période. Il admet que, à ce moment-là, il y a eu un changement radical dans la mentalité du jeune homme. En fait, au cours de sa controverse avec le docteur Lyman, il a précisé que pour lui, la folie de Charles date du moment où il a commencé à envoyer des messages dactylographiés à ses parents. Ses billets ne sont pas du tout dans le style ordinaire de Ward. Ils ont un caractère archaïque très bizarre, comme si la démence de leur auteur avait donné libre cours à un flot de tendances et d'impressions amassées inconsciemment au cours de plusieurs années d'études archéologiques. On y discerne un effort manifeste pour être moderne, mais l'esprit et parfois la langue appartiennent au passé. Le passé se révélait également dans la moindre intonation et le moindre geste de Ward lorsqu'il reçut le médecin dans le bungalow obscur. Il s'inclina, désigna de la main un siège, et se mit à parler de cette étrange voix basse qu'il essaya d'expliquer dès le début. « J'ai contracté l'aphtisie, déclara-t-il, à vivre dans cet air humide. Je suppose que vous venez de la part de mon père pour voir comment je me porte, et j'espère que vous ne lui direz rien de nature à l'inquiéter. » Willett écoutait cette voix grinçante avec attention, mais il étudia encore plus attentivement le visage de son interlocuteur. Il sentait quelque chose de louche. Il aurait bien voulu que la pièce fût moins sombre, mais il ne pria pas son hôte de lever les stores. Il se contenta de lui demander pourquoi sa conduite était en contradiction flagrante avec sa lettre désespérée. « J'allais y venir, » répliqua Ward. « Sachez donc que mes nerfs sont en piteux état, et que je fais et dis d'étranges choses que je ne puis expliquer. Comme je l'ai souvent répété, je suis au bord de grandes découvertes, dont l'importance est telle que parfois ma tête s'égare. Mais je n'en ai plus pour longtemps à attendre. Je me suis conduit comme un butor en m'enfermant chez mes parents sous la garde de ces argousins. Au point où j'en suis arrivé, ma place est ici. Mes voisins me disent de moi, et peut-être j'ai eu la faiblesse de croire ce qu'ils ont pu raconter à mon sujet. Il n'y a rien de mal dans ce que je fais. Ayez l'extrême bonté d'attendre encore 6 mois, et vous serez richement récompensé de votre patience. Je dois vous dire que j'ai un moyen de connaître le passé. Je vous laisse le soin de juger plus tard l'importance de ce que je peux donner à l'histoire, à la philosophie et aux arts, en raison des portes auxquelles j'ai accès. Mon aïeul possédait tout cela quand ces faquins sans cervelle l'ont assassiné. À présent, je suis sur le point d'avoir à ma disposition les mêmes connaissances, et nul ne doit se mettre en travers de mon chemin. Oubliez, s'il vous plaît, monsieur, ce que je vous écris, et ne craignez rien ni personne en ce lieu. Le docteur Allen est un homme de grand talent, et je lui dois des excuses pour le mal que j'ai pu dire de lui. J'aurais voulu le garder près de moi, car il apporte à ses études un zèle égal au mien, mais il avait affaire ailleurs. Le docteur Willett ne sut que répondre à ce discours. Cette façon de désavouer la lettre qu'il avait reçue le laissa stupéfait. Autant les propos qu'il venait d'entendre lui paraissaient étranges et démentiels, autant l'appel au secours du 8 mars lui semblait naturel et parfaitement conforme au Charles Ward qu'il connaissait. Il essaya de détourner la conversation sur des événements passés afin de créer à nouveau un état d'esprit familier. Mais il échoua lamentablement dans sa tentative. Il en fut de même par la suite pour tous les aliénistes. D'importantes sections du stock des images mentales de Charles Dexter Ward, surtout dans les domaines de sa vie personnelle et des temps modernes, se trouvaient inexplicablement annihilées, tandis que sa connaissance du passé émergeait des profondeurs du subconscient pour envahir tout son esprit. Ce qu'il savait en la matière était parfaitement anormal, comme Willett s'en rendit compte au cours de cette conversation en mettant sur le tapis plusieurs sujets auxquels Ward s'était consacré pendant son adolescence. Ainsi, aucun mortel ordinaire, quelles qu'aient pu être ses études, n'aurait pu savoir que la perruque du shérif était tombée, tandis qu'il se penchait en avant pour mieux voir la pièce de théâtre représentée par l'Histrionique Académie de Mr. Douglas, le jeudi 7 février 1762. Ni comment les acteurs avaient si furieusement coupé le texte de la pièce de style « Conscious Lover » qu'on s'était presque réjoui de la fermeture du théâtre, ordonnée 15 jours plus tard par des autorités puritaines. Mais Ward ne se laissa pas mener longtemps dans cette voie. Il souhaitait seulement satisfaire suffisamment la curiosité de son visiteur pour l'amener à partir sans intention de retour. Dans ce but, il proposa à Willett de lui montrer toute la maison et le conduisit immédiatement de la cave au grenier. Le médecin examina toutes les pièces avec attention. Il constata que les quelques livres visibles étaient trop peu nombreux pour pouvoir remplir les vides de la bibliothèque de Prospect Street et que le prétendu laboratoire était un simple trompe-l'œil. Il y avait sûrement une vraie bibliothèque et un vrai laboratoire quelque part, mais il était impossible de dire où. Willett regagna la ville avant la nuit et raconta à Mr. Ward ce qui s'était passé. Ils conclurent tous deux que le jeune homme avait bel et bien perdu l'esprit, mais ils décidèrent de ne prendre qu'une mesure rigoureuse pour l'instant. Mr. Ward décida de rendre visite à son fils sans le prévenir. Un soir, le docteur Willett l'emmena dans sa voiture jusqu'à portée de vue du bungalow et attendit patiemment son retour. Au bout d'un laps de temps assez long, le père revint, l'air fort triste et fort perplexe. Il avait été reçu à peu près comme Willett. En outre, le jeune homme avait attendu longtemps à se montrer après que son visiteur eût réussi à pénétrer dans l'antichambre, et il n'avait pas donné le moindre signe d'affection filiale. Bien que la pièce fût mal éclairée, Charles s'était plaint d'être ébloui par la lumière des lampes. Il avait parlé très bas, en déclarant que sa gorge était en fort mauvais état. Mais son père discerna dans son murmure enroué une qualité troublante qu'il ne put bannir de son esprit. Définitivement ligués pour faire leur possible afin de sauver le jeune homme, Mr. Ward et le docteur Willett se mirent en devoir de rassembler tous les renseignements qu'on pouvait se procurer au sujet de cette affaire. Ils eurent d'abord recours au commérage de Pawtuxet, ce qui leur fut assez facile, car ils avaient des amis dans la région. Tous s'accordèrent à dire que le jeune Ward menait vraiment une existence singulière. La rumeur publique lui attribuait, ainsi qu'à ses compagnons, les actes de vampirisme de l'été précédent et les allées et venues nocturnes de plusieurs camions donnait lieu à des hypothèses sinistres. Les commerçants parlaient des commandes bizarres qui leur étaient faites par le métis portugais, en particulier des quantités invraisemblables de viande et de sang frais fournies par deux bouchers. Il y avait aussi la question des bruits souterrains qui se faisaient entendre alors que le bungalow était plongé dans les ténèbres. Naturellement, ils pouvaient fort bien provenir de la cave, mais selon une rumeur très répandue, il existait des cryptes plus profondes et plus vastes. Se rappelant les anciennes histoires des catacombes de Joseph Curwen, et tenant pour certain que le bungalow avait été choisi parce qu'il devait se trouver sur l'emplacement de la ferme du sorcier, Willett et Mr. Ward firent plus particulièrement attention à cette rumeur, et cherchèrent plusieurs fois sans succès la porte dans la berge de la rivière dont parlaient les anciens manuscrits. Quant à l'opinion des gens sur les habitants du bungalow, il s'avéra bientôt qu'on détestait le métis portugais, qu'on avait peur du docteur Allen, et qu'on n'aimait pas du tout le jeune Ward. Celui-ci avait beaucoup changé au cours des deux dernières semaines. Il avait renoncé à ses démonstrations d'affabilité et parlait d'une voix enrouée à peine perceptible les rares fois où il sortait. Munis de ces renseignements, Mr. Ward et Willett eurent plusieurs longs entretiens. Mais il leur manquait l'essentiel pour arriver à assembler les différentes parties du puzzle. Les deux hommes auraient donné beaucoup pour pouvoir consulter les papiers trouvés par Charles, car de toute évidence, il contenait la clé de la folie du jeune homme. Le père du médecin, déconcerté par un problème dont il ne parvenait pas à trouver la solution, restèrent inactifs pendant quelques jours, tandis que les billets dactylographiés de Charles à ses parents se faisaient de plus en plus rares. Puis vint le premier du mois, avec les règlements financiers habituels, et les commis de certaines banques commencèrent à hocher la tête et à échanger des coups de téléphone. Les directeurs qui connaissaient de vue Charles Ward allèrent lui demander pourquoi tous les chèques signés de sa main ressemblaient à des faux grossiers. Le jeune homme leur expliqua qu'à la suite d'un choc nerveux, il lui était devenu impossible d'écrire d'une façon normale. À l'appui de cette assertion, il déclara qu'il avait été obligé récemment de dactylographier toutes ses lettres, y compris celles qu'il envoyait à ses parents. Les enquêteurs furent frappés par le caractère décousu de certains propos du jeune homme, qu'il semblait impliquer une perte totale de mémoire au sujet d'importantes questions monétaires qu'il connaissait à fond un mois auparavant. En outre, bien que ces hommes ne connussent pas très bien Charles Ward, ils ne purent s'empêcher de remarquer un grand changement dans son langage et ses manières. Ils savaient que c'était un archéologue passionné, mais même les plus fanatiques amateurs du passé ne font pas un usage constant de tournures de phrases et de gestes surannés. Cette métamorphose, jointe à la voix enrouée, aux mains paralysées, à la perte de mémoire, devait annoncer des troubles très graves. Après leur départ, les enquêteurs décidèrent d'avoir une sérieuse conversation avec Mr. Ward. En conséquence, le 6 mars 1928, il y eut dans le bureau de celui-ci une longue conférence au terme de laquelle le père de Charles, plein d'une mélancolique résignation, fit venir le docteur Willett. Le médecin examina les signatures des chèques et les compara dans son esprit avec l'écriture de la dernière lettre désespérée de Charles. La différence était radicale, et pourtant il y avait quelque chose de terriblement familier dans la nouvelle écriture à l'aspect archaïque. Une chose semblait certaine, Charles était bel et bien fou. Comme il ne pouvait évidemment plus gérer sa fortune, ni entretenir des rapports normaux avec le monde extérieur, il fallait promptement s'occuper de le soigner. On fit donc appel à trois aliénistes, les docteurs Peck et Waite de Providence et le docteur Lyman de Boston. Mr. Ward et le docteur Willett leur exposèrent l'affaire en détail. Ensuite, les cinq hommes examinèrent les livres et les papiers que renfermait encore la bibliothèque de Charles. Après quoi, les médecins conclurent que les études poursuivies par le jeune homme avaient largement suffi à ébranler sa raison. Ils exprimèrent le désir de voir les volumes et les documents intimes qu'il conservait par-devers lui. Mais pour ce faire, il leur fallait se rendre au bungalow. Le jeudi 8 mars, les quatre médecins et Mr. Ward allèrent rendre visite aux malades qu'ils soumirent à un interrogatoire serré et auquel ils ne cachèrent pas le but qu'ils se proposaient. Charles fut un peu long à paraître après leur arrivée dans le bungalow, mais au lieu de se rebeller contre cette intrusion, il reconnut de son plein gré que sa mémoire et son équilibre mental avaient souffert de son travail incessant. Il ne protesta pas quand on l'informa qu'il devait abandonner sa résidence actuelle. En fait, il manifesta une très vive intelligence. Son attitude aurait singulièrement dérouté les médecins, si son déséquilibre ne s'était pas trahi par sa phraséologie archaïque et la disparition de toute idée moderne dans son esprit. Au sujet de son travail, Il ne révéla rien au médecin en dehors de ce qu'il connaissait déjà par Mr. Ward et le docteur Willett. Il affirma solennellement que le bungalow ne renfermait ni bibliothèque ni laboratoire autre que ceux qui étaient visibles, et se lança dans un discours fort embrouillé afin d'expliquer pourquoi il n'y avait pas trace dans la maison des odeurs qui imprégnaient ses vêtements. Il prétendit que les commérages des villageois étaient de pures inventions dues à la curiosité déçue. Il se déclara incapable de préciser l'endroit où se trouvait le docteur Allen, mais il affirma que celui-ci reviendrait quand on aurait besoin de lui. Pendant qu'il payait ses gages au métis portugais et fermait la porte d'entrée du bungalow, Ward ne donna pas le moindre signe de nervosité. Simplement, il s'immobilisa quelques secondes, comme pour écouter un bruit à peine perceptible. Il semblait plein d'une calme résignation philosophique, comme si son départ eût été un incident sans importance, qu'il valait mieux faciliter en ne causant aucun ennui. On convint de ne rien dire à sa mère, à laquelle Mr. Ward continuerait d'envoyer des lettres dactylographiées au nom de son fils. Charles fut emmené à la paisible maison de santé du Dr. Wade, à Connecticut Island, et soumis à des examens minutieux par plusieurs praticiens. C'est alors que l'on découvrit ses particularités physiques. Métabolisme ralenti, peau transformée, réaction neurale disproportionnée. Le docteur Willett fut plus particulièrement troublé par ces phénomènes, car ayant soigné Ward toute sa vie, il se rendait mieux compte de ces bizarres perturbations. La tache de naissance en forme d'olive avait disparu de sa hanche, tandis que sa poitrine s'ornait d'une marque noire qui ne s'y trouvait pas auparavant. Le médecin se demanda si le malade s'était vu infliger la marque des sorcières que l'on imposait, disait-on, au cours de certaines réunions nocturnes dans des lieux solitaires. Willett ne pouvait s'empêcher de songer à un passage d'un compte-rendu des procès de Salem que Charles lui avait montré autrefois. « Mr. J.B., cette nuit-là, posa la marque du diable sur Bridget S., Jonathan A., Simon O., Deliverance W., Joseph C., Mehbital C., et Deborah B. » Le visage de Ward lui inspirait également une profonde horreur dont il finit par découvrir la cause. Au-dessus de l'œil droit, le jeune homme portait exactement la même cicatrice que Willett avait remarquée dans le portrait de Joseph Kerwin. Cependant, on surveillait de près toute la correspondance destinée à Charles ou au docteur Allen, que Mr. Ward avait fait adresser chez lui. On ne s'attendait pas à y trouver grand-chose, car toutes les communications importantes auraient été probablement faites par voie de message. Mais à la fin de mars, arriva une lettre de Prague adressée au docteur Allen qui donna au docteur Willett et à Mr. Ward matière à réflexion. Kleinstrasse 11, Hallstatt, Prague, 11 février 1928. Frère en almousin Métatron, j'ai reçu aujourd'hui votre lettre relatant ce que vous avez fait surgir des selles que je vous ai envoyées. Ce résultat contraire à notre espoir prouve clairement que les stèles avaient été changées lorsque Barabas m'a procuré le spécimen. Cela arrive souvent. Comme vous devez le savoir, d'après le corps que vous avez retiré du cimetière de King's Chapel en 1769 et d'après ce que H a retiré du vieux terrain de repos en 1690 qui a failli lui coûter la vie. Pareille chose m'est arrivée en Égypte il y a 75 ans, d'où me vient cette cicatrice que le jeune homme a vue sur mon visage en 1924. Ainsi que je vous l'ai dit il y a longtemps, n'évoquez aucun esprit que vous ne puissiez dominer, soit à partir de Selmor ou hors des sphères au-delà. Ayez toujours près les mots qui repoussent, et ne vous arrêtez pas pour avoir une certitude quand vous doutez de l'identité de celui que vous avez. On a changé toutes les stèles dans 9 cimetières sur 10. Vous n'êtes jamais sûr de rien tant que vous n'avez pas interrogé. J'ai reçu aujourd'hui des nouvelles de H, qui a eu des ennuis avec les soldats. Il regrette que la Transylvanie ait passé de la Hongrie à la Roumanie et changerait de résidence si son château n'était pas si plein de ce que nous savons. Dans mon prochain envoi, il y aura quelque chose venu d'une tombe orientale qui vous fera grand plaisir. En attendant, n'oubliez pas que je désire avoir BF si vous pouvez me le procurer. Vous connaissez mieux que moi G de Philadelphie. Utilisez-le avant moi si vous le désirez, mais n'en usez pas trop durement avec lui, car il faut que je lui parle à la fin. Yog Sotos Neblotsin, Simon O, Mr. J.C. à Providence. Mr. Ward et le docteur Willett furent confondus par la lecture de cette lettre, et ils mirent beaucoup de temps à comprendre ce qu'elle semblait impliquer. Ainsi, c'était le docteur Allen et non pas Charles Ward qui dirigeait tout au bungalow de Pawtuxet. Cela expliquait le post-scriptum du dernier message du jeune homme au docteur Willett, et pourquoi la présente lettre, adressée au docteur Allen sur l'enveloppe, portait-elle à la fin l'inscription à Mr. J.C. La conclusion s'imposait, mais il y a des limites à la monstruosité. Qui était Simon O? Le vieillard que Charles Ward avait visité à Prague? Peut-être. Mais dans les siècles passés, il y a eu un Simon Horn, alias Jedediah, de Salem, qui avait disparu en 1771, et dont le docteur Willett reconnaissait maintenant l'écriture d'après les copies photostatiques des documents que Charles lui avait montrés autrefois. Le père et le vieux médecin, ne sachant trop que faire ni que penser, allèrent voir Charles à la maison de santé pour l'interroger au sujet du docteur Allen, de sa visite à Prague et de ce qu'il avait appris sur Simon Horn de Salem. Le jeune homme répondit simplement qu'il s'était aperçu que le docteur Allen avait des rapports spirituels étonnants avec certaines âmes du passé, et son correspondant de Prague devait posséder le même don. En se retirant, Mr. Ward et le docteur Willett se rendirent compte que c'était eux qui avaient subi un interrogatoire, et que sans rien révéler lui-même, le malade leur avait fait lire tout ce que contenait la lettre de Prague. Les docteurs Peck, Waite et Lyman n'attachèrent pas grande importance à la correspondance du compagnon du jeune Ward. Connaissant la tendance des monomaniaques à se grouper, ils croyaient que Charles Wallen avait découvert un de leurs semblables expatriés, peut-être quelqu'un qui avait vu l'écriture de Simon Horn et l'avait imité afin de se faire passer pour la réincarnation de ce personnage. Peut-être Allen lui-même se trouvait-il dans le même cas et avait-il fait croire au jeune homme qu'il était un avatar de Joseph Kerwin. En outre, ces médecins prétendirent que l'écriture actuelle de Charles Ward était une imitation de plusieurs spécimens anciens obtenus au moyen de ruses diverses. Ils ne prêtèrent aucune attention à l'opinion de Willett, qui crut y trouver toutes les caractéristiques de l'écriture archaïque de Joseph Kerwin. En raison du scepticisme de ses confrères, le vieux médecin conseilla Mr. Ward de ne pas leur montrer la lettre adressée au docteur Allen, qui arrivait de Racus, Transylvanie, à la date du 2 avril, et dont l'écriture était absolument identique à celle du cryptogramme Hutchinson. En voici la teneur. Château Ferency, 7 mars 1928. Mon cher C. 20 hommes de la milice sont venus m'interroger au sujet de ce que racontent les paysans. Ces Roumains font preuve d'un zèle détestable, alors que je pouvais facilement corrompre ma guerre avec un bon repas. Le mois dernier, M m'a fait parvenir le sarcophage des 5 sphinx de l'acropole où celui que j'ai évoqué avait dit qu'il se trouverait, et j'ai eu 3 conversations avec ceux qui y étaient inhumés. Je vais l'envoyer immédiatement à S.O. à Prague, qui vous l'expédiera ensuite. La créature est fort entêtée, mais vous connaissez le moyen de la faire parler. Vous montrez beaucoup de sagesse, en ayant autour de vous moins de monde qu'auparavant. Point n'était besoin de conserver les gardiens sous leur forme corporelle à ne rien faire. Vous pouvez maintenant vous déplacer et aller travailler ailleurs sans trop de mal, si c'est nécessaire. Mais j'espère que rien ne vous contraindra bientôt à suivre une voie si ennuyeuse. J'étais fort heureux d'apprendre que vous n'aviez plus guère commerce avec ceux du dehors, car cela présente toujours un péril mortel. Vous l'emportez sur moi en disposant les formules de telle sorte qu'un autre puisse les dire avec succès. Borellus estimait qu'il en pourrait être ainsi à la condition d'utiliser les mots justes. Est-ce que le jeune homme les emploie souvent? Je regrette qu'il fasse le dégoûté, ainsi que je l'avais craint au cours des 15 mois de son séjour au château. Mais je suppose que vous savez comment le traiter. Vous ne pouvez le vaincre avec la formule, car elle n'opère que sur ceux que l'autre formule a évoqués à partir des selles. Mais il vous reste des mains robustes, et le poignard et le pistolet et les tombes ne sont pas difficiles à creuser, et les acides ne refusent pas de brûler. On me dit que vous lui avez promis B.F. Il me le faudra par la suite. Faites très attention à ce que vous évoquez et méfiez-vous du jeune homme. D'ici 1 an, nous pourrons évoquer les légions souterraines, et dès lors il n'y aura plus de limite à notre pouvoir. Ayez confiance en mes paroles, car vous le savez, O et moi-même avons eu 150 années de plus que vous pour étudier ces matières. Nefren Kanai Adoth, E.W.H. pour J. Kerwin, Esquire, Providence. Si Mr. Ward et le docteur Willett s'abstinrent de montrer cette lettre aux aliénistes, Cela ne les empêcha pas d'agir. Aucun sophisme ne pouvait plus cacher la sinistre vérité. Le docteur Allen entretenait une correspondance suivie avec deux personnages étranges que Charles avait visités au cours de ses voyages et qui prétendaient être des avatars des anciens amis de Joseph Kerwin à Salem. En outre, lui-même se considérait comme la réincarnation du vieux sorcier et nourrissait des desseins meurtriers contre un jeune homme qui ne pouvait être que Charles Ward. En conséquence, tout en remerciant le ciel de ce que son fils fût en sécurité dans la maison de santé, Mr. Ward engagea plusieurs détectives à son service et leur demanda de se procurer tous les renseignements possibles sur le mystérieux docteur Allen. Il leur confia la clé du bungalow et les invita à inspecter la chambre qu'avait occupée le compagnon de son fils pour y chercher des indices intéressants. L'entretien eut lieu dans la bibliothèque de Charles et les policiers éprouvèrent une très nette impression de soulagement quand ils sortirent de la pièce dans laquelle semblait régner une atmosphère maléfique.